السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، continue avec notre livre « Les trois bases de la révidence » de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmahullah. Et la semaine passée, on a vu donc le commencement, c'est-à-dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim »« I'alam rahmahullah »« Annahu yajibu alina ta'allum arba'a masail »« Al-Ula al-ilm »« Wa huwa ma'rifatullah »« Wa ma'rifatu nabihi sallallahu alayhi wa sallam »« Wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinu l'islam bi adillah » Et on a vu aussi « Al-Thaniya al-amal bihi » Et là, au thalitha, le troisième, le da'wa ilayhi, le da'watu ilayhi. Et lorsqu'on dit le da'wa, il dit ila ma ja'a bihi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, min shari'atillahi ta'ala ala maratibiha thalitha aw al-arba'a, allati dhakraha Allah azza wa jal fi qawlihi, ud'u. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dans Sourate An-Nahl, verset 125. Donc la da'wa, la prêche. Donc ici, on a vu donc qu'on devait apprendre quatre points. On devait apprendre quatre choses. On a vu la première chose qui était la science, la deuxième, mettre en pratique, et la troisième, prêcher. Donc appeler à cette science, à cette religion, donc ad-da'wa ilayhi, la science, c'est appeler à l'islam. Et la da'wa, c'est quoi? C'est en vérité appeler à tout ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du rite islamique. Et on y retrouve trois ou quatre étapes. Lorsque Allah azza wa jalla dit dans Sourate An-Nahl, verset 125, appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et avec bonne exhortation et discute avec eux de la façon la meilleure. Et ici on voit que Udru il a sabili rabbika, appelle à la voix de ton Seigneur. Là il a hizbin, voilà il a qawmin. Donc tu ne vas pas appeler à un parti politique précis, tu ne vas pas appeler à un peuple ou une région ou une tribu quelconque, mais tu vas appeler à Allah Azza wa Jal. Voilà il a nefsik. Tadou ila Allah. Voilà il a nefsik. Tu n'appelles pas à toi-même. Il y a des gens, ils veulent juste que appeler les gens et parler dans les sens que les gens les écoutent eux, tout simplement. Et c'est pas ça qu'ils demandaient. Ce qu'ils demandaient, c'est que les gens soient dans la voie droite. Lorsque tu appelles les gens, c'est pour biznillah, donc les sortir du feu et les ramener vers le paradis. Et c'est pas le contraire. Et c'est pas pour toi. Donc ça ne doit pas s'arrêter à toi. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Udru ila sabil rabbik. À une seule voix, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est sabil rabbik, ça veut bien dire que c'est Allah qui a légiféré tout ça. Si c'est bien la voix d'Allah, donc c'est la voix d'Allah. C'est pas la voix ni de madhab, ni de rien du tout. On ne peut pas appeler, c'est-à-dire à un madhab en disant que ce madhab, 100% il est bon. On ne va pas dire que maintenant, les Ahnaf, ils n'ont aucune erreur. De dire que maintenant tel ou tel madhab il est 100% dans la vérité. Si tu dis que le Hanafiya, l'Ahnaf, ils sont 100% dans la vérité, tu es en train de dire qu'Abu Hanifa s'est jamais trompé. Ou là ceux qui ont continué aussi à écrire dans son école. Même chose pour l'imam Ahmed, même chose pour l'imam Malik, même chose pour Abu Hanifa, ou bien pour l'imam Shafi'i, même chose si tu disais pour le Bukhari ou autre. Tout le monde a droit à ses erreurs. Donc on revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique. Et pas au aqwal al-rijal, c'est tout. Donc déjà, ça c'est sabil, hein, Rabb. Bil hikma, avec sagesse. Donc ça c'est le martaba al-oula. Le martaba al-oula, an takuna da'wa bil hikma. Yani, avec sagesse. Bi'ilm, yani, bi'ilm, c'est quoi la hikma? En vérité, c'est bil-ilm. Hein? Donc à la ilm, à la basira, donc avec science et clairvoyance de ce que tu es en train de dire. Wa ta'rifu hal al-mad'u. Et tu sais qui est-ce qui est en face de toi pour savoir ce que tu dis. Tu n'es pas en train d'expliquer des choses qui sont difficiles à quelqu'un qui va, c'est son premier jour de prière. Tu n'es pas en train de lui dire, enfin, il veut commencer à faire la prière, tu n'es pas en train de lui dire, hein, enfin, déjà, tu es en train de lui parler des intérêts. Il ne va pas comprendre ça le premier jour, lui, il n'y a pas besoin de ça pour l'instant. Pour l'instant, il va bien de savoir comment il va prier. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de certains détails de la religion qui vont venir après pour lui, mais pas tout de suite. C'est un exemple. Donc le hikmah, la sagesse. Le hikmah, donc c'est toujours, tu dois connaître, donc tu dois avoir et la science, tu dois aussi avoir, donc tu dois connaître comment faire d'avant, donc non seulement la science de ce que tu vas dire, c'est pas juste en vérité, tu connais le sujet, t'arrives au mot d'ordre, t'arrives au tarif kaifa tad'u, tu sais pas comment tu vas appeler les gens. Tu as la science suffisante, mais t'as pas la sagesse suffisante, t'as pas le comment, tu sais pas comment faire. Et aussi, tu dois aussi savoir qui est en face de toi. Hein? Plus jeune, plus vieux, il y a peut-être de la science. C'est quelqu'un qui est important. C'est une personnalité importante. Donc tout change. Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Hein? Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. On voit bien, hatta dans surat al-Abasa, Abasa wa tawalla, anja'ahu al-a'ma, lorsqu'il y a eu ça, Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler avec des gens qui étaient importants. Et c'est pour ça qu'il demandait à l'aveugle de revenir plus tard. Puis Allah Azzajal a dit, donc justement lorsqu'Allah Azzajal donc l'a réprimandé, le Nabi Sallam afin de le corriger par rapport à cela. Donc le Nabi Sallam a quand même fait attention à un point qui était important, c'était Halal Mad'u. C'était des gens importants qui étaient en face de lui lorsqu'il a voulu donc justement bien s'occuper d'eux. Après donc le Hikmah. Et ça le Hikmah en général c'est pour celui qui accepte directement, facilement. أنت تدعوه إلى الله عز وجل وهو يقبل ما قلت فالحكمة هذه تكفي قد يكون شخص يحتاج إلى تذكير زائد il est possible qu'une personne aura besoin d'arrêter plus de précision donc il faut à ce moment-là le mot al-hasana parce que lui dit mais ça j'ai pas compris ça et ça il cherche à avoir plus de détails donc là à ce moment-là on passe à la deuxième étape c'est al-maw'ida al-hasana la bonne exhortation et puis il y a des gens qui sont mu'anidin non il n'a pas encore compris qu'en vérité c'est pas avec son cerveau qu'il doit rejeter comme ça là, il ne comprend pas qu'en vérité la soumission c'est pas est-ce que cet acte ou cet acte là il est logique pour moi ou bien mon cerveau l'accepte donc à ce moment là il faut quoi il faut al-jidal billati hiya ahsan donc à ce moment là il faut vous prouver que la méthode qu'il est en train d'utiliser elle est mauvaise c'est pour ça qu'il arrive à un résultat mauvais. Tu penses que c'est mon raisonnement qui va dire ça c'est bon alors ça c'est mauvais. Tu vas décider que ton raisonnement c'est lui le juge. Et tu ne peux pas être juge comme ça. Surtout de l'islam. Tu ne peux pas être juge de l'islam. Tu peux être juge de ce que Allah Azza wa Jalla déjà a décidé. Et ton cerveau, n'oublie pas qu'il est restreint. Et ton cerveau, il peut aimer des choses alors qu'en vérité, en vérité, ces choses-là sont mauvaises. Et ton cerveau peut détester des choses, en vérité, ces choses-là sont bonnes. Donc tu ne peux pas le prendre en tant que quoi, que je veux dire le point d'exemple. C'est-à-dire, en vérité, à partir duquel on revient. C'est pas ça. On revient par rapport au Coran et à la Sunna. Donc là, c'est وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنِ Il y a le mu'ani, celui qui rejette des choses, مثلا, l'akhili. Et ici, Shirno qui dit 3 ou bien 4 étapes, parce qu'il veut dire اُدْعُوا إِلَى سَبِلِ رَبِّكَ Donc le سَبِلِ رَبِّكَ, le fait d'appeler Allah, là, donc il est rentré dans une des étapes, par exemple. Et d'autres versets encore, où Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إلا الذين ظلموا منهم et ne discute pas avec les gens du livre que de la meilleure façon إلا بالتي هي أحسن sauf bien sûr ceux qui ont vérité qui sont injustes envers eux ceux qui sont donc injustes envers eux à ce moment là c'est pour un autre domaine donc voilà tu جادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن parce que souvent أهل الكتاب ils ont déjà un livre donc ils vont faire une comparaison donc à ce moment là il va falloir une munakasha. Souvent, les gens, comme ça, ils ont déjà quelque chose à partir duquel ils s'accrochent, ils sont fiers de leur livre, ils s'imaginent dans la vérité, donc qu'est-ce qu'il faut? Ça sera souvent, en général, il y a besoin de discussion avec les gens du livre. Ça, c'est dans Sourate Al-Ankabut, verset 46. « وَلَا بُدَّ لِهَدِي الدَّعْوَى مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ وَمِنْ عِلْمِ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى تَكُونَ الدَّعْوَى عَنِ الْعِلْمِ عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ » Et c'est clair que cette da'wa, elle doit être donc précédée de science, de connaître en vérité la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que cette science soit avec science, et bien sûr, donc, c'est-à-dire que cette religion, cette da'wa, soit avec science et clairvoyance. Et Allah dit « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Donc toujours dans la sourate Yusuf, verset 108. « Dis, هَذِهِ سَبِيلِ » C'est ma voix. « J'appelle à Allah, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ حَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يَدْعُوا إِلَى نَفْسِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال أدعو إلى الله. Là aussi, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a dit j'appelle à Allah. Il n'appelle pas à lui-même. Il n'appelle pas à lui-même. C'est un bacha. Mithulnes. Bas yuha ilayhi fakat. Donc, le Nabi, c'est un homme comme les autres hommes. La différence, c'est que la révélation lui vient, c'est un envoyé d'Allah. Donc, le prophète Mohammed, donc, il appelle à Allah. Ala basiratin. Il dit bien avec clairvoyance, en utilisant ce que Allah m'a enseigné. Ce que j'ai, donc, ce que j'ai reçu comme révélation. Ala basira. Laisse ala jahl. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على الجهل. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم n'appelle pas avec l'ignorance, mais à la basira, avec ce qui est clair du Coran et de ce qu'il dit صلى الله عليه وسلم. أنا ومن يتبعني, moi et ceux qui font la même chose que moi. من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. جميع الناس الذين يدعون إلى الله على بصيرة. Donc ça c'est pour tous ceux qui en vérité font comme le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ce sont les héritiers des prophètes. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et bien sûr, subhanallah, je ne fais pas partie des associateurs. J'appelle à Allah. Je n'appelle pas à une statue. Je n'appelle pas à un wali. Donc, le basira, bien sûr, c'est le fait de connaître ce que tu dis. Et aussi de savoir ce que tu dis. Et aussi de connaître ceux qui est ou bien qui sont en face de toi. Lorsqu'on parle de da'wa, adrunallah, yani da'wa, takun yani imma bil khitaba, al khutba mathan, yom al jum'a. Or, il qa al-muhadarat, donc donner des conférences, ou bien aussi bita'lif ou un nashr, din an tariq al-ta'lif, ou bien mathalan, en écrivant des livres. Donc il y a des gens qui sont plutôt spécialisés à écrire des livres, même s'ils n'ont pas spécialement de da'wa qui est, je veux dire, de vive voix. Eux, ce sont donc, l'écriture, ce sont les bouquins. Et il y a des gens, c'est le maqalat, des écrits, dans le sens, mais ce n'est pas des livres, c'est des écrits. On peut retrouver sur internet ou bien dans une revue ou quoi. Ils vont peut-être ressortir un petit sujet qui va durer 2 pages, 3 pages, 10 pages. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de comme ça. Aussi, ومن هذه الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في الدعوة مثلاً فهذا مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ينبغي أن تكون على وجهه لا ملل فيه ولا إثقال. Il y a des gens aussi des fois qui vont parler lorsqu'ils sont avec des gens particuliers dans des majalis khas. Et là, il demande de faire attention, donc, chir, par rapport à ces majlis khassa, il ne faut pas que ce soit lourd. Des fois, tu ramènes des gens parce que tu vas leur parler des saints, tu les ramènes chez toi. Il ne faut pas que ce soit, en vérité, donc, il ne faut pas que les gens ressentent cette lassitude dans ce que tu vas faire dans cette dawa. Parce que quand c'est khas, tu les ramènes chez toi, donc des fois, ils sont un peu là. Et des fois, quand c'est à la mosquée ou ailleurs, ben, à la mosquée, la personne, elle sait qu'il y a un dars, elle vient d'elle-même. La personne, elle sait qu'il y a un livre à acheter, si elle a décidé d'acheter un livre, elle le dit d'elle-même. Elle fait ce qu'elle veut, elle commence quand elle veut et puis elle s'arrête quand elle veut. Enfin, mais des fois dans les majalis khassa, peut-être la personne a la honte, elle reste. Mais si tu charges trop, si tu mets trop, ben, qu'est-ce qui va se passer? Va se passer justement le mêlène. Mais les gens aussi qui vont des fois frapper à des portes n'importe quand. Donc c'est pour ça que le da'wa, elle a des ahwal. Par exemple, ceux qui font le jama'at tablir, ils ont décidé que tous les samedis ils vont chez les gens. Parce que lorsqu'ils font le jaoula, avec un samedi après-midi, des fois les gens, ben, ils ont des choses à faire. Tu frappes à la porte, les gens des fois ils n'ont pas envie. Et qu'avoir la tête de la personne pour savoir. Hein, pour ceux qui ont déjà fait mathalan, une jaoula ou quoi, hein, dans leur jeunesse ou quoi, mathalan, ils savent bien. Ils savaient comment ça se passe. Ils savaient qu'il y a beaucoup d'efforts fournis pour, en vérité, entre guillemets, sur ça comme ça, plus de résultats. Et puis, c'est par la ilm. Tu frappes chez les gens et puis tu bombardes. Là, et c'est un cadeau. la personne dans ces cas-là, si tu veux venir lui parler du saint, les sacs, c'est qu'elle est préparée psychologiquement, que maintenant elle t'a invité, celle qui t'a invité, ou bien tu l'as vue, tu lui as donné rendez-vous. Mais tu peux lui parler, on va dire comme ça, promptement. Tu peux lui parler, il n'y a pas de problème que tu lui parles en face. Là, il y a une façon de faire. La façon de faire, c'est pas n'importe comment. C'est pas les uns que ce soit une sept, ça se passe comme ça, c'est comme ça, on vient, on frappe, il ouvre, tu vois la porte, tu vois quatre personnes devant ta porte, t'es un petit peu coincé, et puis c'est thrill. Tu sens qu'il rentre dans ton terrain, tu te sens pas à l'aise. Mais alors c'est pas comme ça. Il n'y a pas de climat de confiance qui est passé. Le climat de confiance, il ne passe pas. Il n'y a pas aussi, tu sens une gêne, tu étais en train de faire, on ne sait pas ce que les gens ils font chez eux. Il y a des invités, comment on fait? Il va dire non, j'ai des invités, il va claquer la porte, mais c'est un exemple. Ou d'autres choses. Il était justement en train de gronder ses enfants, il veut vraiment s'occuper d'eux, ils ont des devoirs à faire. Il y a autre chose à faire, il est vraiment occupé. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'on. Les gens qui viennent, ils viennent comme ça, aux portes, ils font du porte-à-porte, de la façon de Jamaat, c'est bien maintenant, ça c'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Normalement, la meilleure dawa, c'est celle qui est dans les mosquées. Afdal dawa, dawa fil masajid. Fi buyutillah, azawajal. Donc la meilleure dawa, c'est la mosquée, c'est ce qui est fait dans la mosquée, dans les maisons, dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ilm, alhamdulillah, Allah azawajal, khalla yani sahaba. وهم خلا أتباع التابعين يعني تلاميذهم les compagnons ont laissé aussi des تابعين qui étaient leurs élèves وهم عندهم يعني تلاميذ نعم إلا حتى الآن ils ont des élèves jusque maintenant enfin c'est de eux qu'on doit apprendre c'est de ceux qui ont pris des profs des profs des profs des profs qu'en vérité ils ont une chaîne de transmission qui arrive jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم des fois on prend pas de celui qui n'a pas de science العلم يعني بلا دعوة دعوة عفوا بالعلم فهذا ليس الدعوة الدعوة لابد أن تكون بالعلم donc une prêche une prédication sans science c'est en vérité comme une voiture sans moteur je dis ça oui mais tu fais bien donc tu fais rien du tout il y a pas de moteur il y a pas de علم donc il y a pas de دعوة il y a pas en vérité il y a pas de دعوة comment tu fais une دعوة la دعوة مباركه qu'on profite mais afin de ceux qui sont morts depuis longtemps les Bukhari ou les Muslims جهال العلماء خلاص علماء طيب نفس الامر شوز توس مم شافعي جاهل ولا عالم مالك علم مالك جاهل ولا او عالم كلهم علماء الامام احمد ابو حنيفه وغيرهم شيخ ابن تيميه ابن القيم كلهم علماء pourtant c'est eux qu'on parle on parle pas on n'est pas en train de mentionner actuellement les djuhal qui ont fait dawa on les a oubliés comme c'est un ignorant ça va pas loin Il est inconnu, il reste inconnu. Ce qui reste dans l'islam, et ce qu'Allah a décidé de protéger, c'est quoi? C'est la science avec, justement, ces ulama-là et ce qu'ils ont ramené comme science. C'est eux qui restent. C'est pour ça qu'Allah a dit, wa rafa'na laka dhikrak. Et nous avons élevé en vérité ton rappel. C'est-à-dire que celui qui est le ulama qui font comme le prophète, même s'ils n'ont pas été peut-être connus, certains d'entre eux à leur époque, ils n'avaient même pas 15-20 élèves. Là, qu'ils maintenant profitent d'eux, des siècles et des siècles après. ما جلسهم مجلساتهم يعني قليلة الناس ما كانوا يجلسون عندهم إلا القليل يوجد علماء ils ont eu très peu de personnes qui sont assises chez eux pourtant 10 siècles après on parle d'eux et de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait dans leur livre non. parce que c'est l'ilm et c'est comme ça l'ilm يرفع أقوام يرفع يعني أصحاب العلم les chefs non étant donné que tu parles des gens qui font la da'wah non il se trouve qu'une certaine période, peut-être que tu m'as connu, je comprends que quelqu'un qui fait la da'wa, qui sortait comme ça pour faire la da'wa, ils vont dans les pays musulmans. Il y en a qui ont laissé leur famille, etc. Ils sont partis en Inde, à Kosovo, c'est ça. Moi, je pose la question, est-ce que la da'wa, elle est faite pour aller la faire auprès d'un musulman déjà convaincu, ou la da'wa, il faut aller la faire chez quelqu'un qui est dans l'ignorance totale de l'islam? Parce que moi, si tu viens chez moi à la mosquée pour me prêcher, je suis déjà à la mosquée. Non. Je suis déjà à la mosquée. Non. Et celui qui est dehors, qui est loin de la mosquée, je pense que c'est lui qui a besoin de prêcher. Ou là, je me trompe. Alors que le hal de da'wa, en vérité, le da'wa, hein, comme tu dis, maintenant, quand tu parles de ceux qui vont aller exprès dans un pays musulman pour aller faire da'wa, ils vont partir maintenant 4 mois au Pakistan ou quoi. Ils vont pas là-bas pour faire da'wa. Ils vont là-bas pour aller prier dans certaines tombes. Pour aller en vérité prier dans certaines mosquées où il y a des tombes. C'est juste pour adorer la personne de la tombe, mais eux, ils ne savent pas. Que leurs chefs, ce sont des adorateurs de certaines tombes, tout simplement. Les chefs de ces jama'at, ce sont les adorateurs de certaines tombes, et ils vont les adorer. Parce que tu vas là-bas et ceux qui ont été là-bas, ils ne font pas d'awa. Tu restes à la mosquée, puis tu es là. À pas faire grand-chose. Ils ne font pas d'awa. Si, ils bougent là-bas, mais ils ne font pas d'awa. Parce que même les gens du pays, ils leur disent, et beaucoup, on a beaucoup de témoignages, mais les gens ils disent, pourquoi tu viens chez nous, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis déjà musulman, tu n'as pas besoin de venir me voir, moi. Directement, comme ça, me parler pour me dire, viens faire la prière, je fais là, déjà la prière. Parce que si encore tu fais d'awa et tu dis, Mathan, je vais t'apprendre comment tu vas faire ce jour de sahou. Hein? Je vais t'apprendre comment tu vas comprendre le tawhid. Là, tu aurais dit, alhamdoulilah, j'ai un alim devant moi, je profite. Mais c'est pas ça. Il te dit simplement, il te ramène du béaba, tu dis, viens, n'oublie pas, il faut prier, il faut sortir. Il faut prier, il faut sortir. Il faut aller à la mosquée. Mais ça, j'ai pas besoin de toi pour savoir. Ça, c'est pas du ilm en lui-même. Il n'y a pas de ilm en lui-même de ce qu'ils font. Parce que c'est des gens que ça leur a coûté leur foyer, ça leur a coûté. Après, ça, c'est la baraka. Hein, c'est le résultat, mais ça, c'est la baraka. C'est en vérité Adam el Baraka. Ils ont reçu une baraka à leur façon, on va dire. Naam, Adam el Baraka. Et ça, c'est pas comme ça. Naam, c'est pas comme ça. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais demandé aux gens de laisser leur famille sans rien pour justement, en vérité, faire d'un. Pourquoi que ce soit, jamais. Hatta fil jihad, hein, Omar ibn al-Khattab, il a même permis, il a même dit aux gens, apricatement, de retourner vers leur famille. Apricatement, vous allez rentrer chez vous. Et il ne les laissait pas sans rien. Il ne laissait pas sans rien. Celui qui laisse la famille sans rien, ben, après il dit ça va descendre tout seul. Adam un tasawwuf, ça fait partie du soufisme, ça fait pas partie de la religion. Tasawwuf, c'est justement cette tasawwuf comme quoi que la baraka va descendre. Allah il va ramener des anges, il va ramener des baguettes, il va tout ramener. Et quand on lui dit pourquoi on voit jamais ça, tu dis parce que t'as pas encore assez la foi. Alors tout le monde dit on n'a jamais vu, ben, tout le monde dit bon parce qu'on l'a tous, on n'a toujours pas la foi. Ça arrive à qui? Ça arrive à 5-6 de nos machères qui sont en Inde, mashallah. Allah il donne que à 5-6 machères, les karamates qui sont en Inde et tout le reste, vous suivez. Et on va dire, c'est un business, il y a beaucoup d'argent derrière. C'est un business parce que c'est que des billets d'avion, c'est que de khourouj. Où elle va? On vient de toute l'Europe, on va où? On va à Paris. C'est une seule personne qui prend, il y a au moins 5-10 ou 15 jamaas qui viennent de partout, qui viennent chez lui, qui viennent à la même personne, elle prend tous les billets d'avion, elle achète les billets, elle mange. Vous inquiétez, elle est en train de se goinfrer. Elle est très riche. Elle se goinfre parce qu'elle travaille avec l'agence. Quand tu ramènes l'agence de voyage, 50, 60, 100 ou là, je ne sais pas combien d'avion par jour ou tous les 5 jours ou toutes les semaines. Tu ne fais pas des sous derrière ça. C'est énormément d'argent, tout simplement. C'est que de la dunya. Il n'y a pas de din, il n'y a pas de ilm derrière. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de ilm, mais on connaît les résultats. Comme tu dis, il va aller par là. Tu dois connaître. Ici, qu'est-ce qu'il dit sur l'antimine? Il dit bien que tu dois connaître la religion. Wallahi, une Française est entrée dans le djinn. Le premier jour, ils l'ont dit parle. Mais je ne peux pas parler, elle dit je connais rien. Parle de force. Ils l'ont forcé à parler. Dis ce que tu veux. Même chose à un Français aussi. Ils l'ont dit, vas-y, parle à un jeune. Ils l'ont dit parle. Il ne sait pas. Il arrive, qu'est-ce qu'ils disent? Allah, khalaqa shams. Il l'a pas dit, il l'a dit en français. Il dit Allah, il a créé le soleil pour le nana. Comme ça, dans une mosquée. C'est ça qu'on entend dans la mosquée d'Allah Azzawajal. C'est ça ta religion, elle est descendue. À qu'Allah a créé le soleil pour Na'na. Wallahi, atadakal. Donc, il est où l'ilm? Wallahi, si ça c'était chez les ulama, il ne viendrait pas s'asseoir. Les ulama, ce qu'ils font, par Cheikh Mohamed Amin, rahmallah, lorsqu'il faisait des doulos, et qu'il remarque qu'il y a un nouveau, et qu'il remarque que cette personne, elle est perdue, il lui dit, lève-toi, il ne reste pas dans mon cours parce que je vois que tu n'as pas le niveau. Il dit ça. Pourquoi? Parce que si tu parles à des gens qui n'ont pas le niveau et que tu élèves le niveau, c'est comme si tu étais en train de leur mentir. Parce que il va comprendre la religion de façon déformée et il va la déformer aux gens. Je suis responsable d'avoir élevé le niveau à ceux qui n'ont pas le niveau. Je suis responsable. Alors que dire de ceux qui disent n'importe quoi? Hein, qui disent réellement n'importe quoi. Il n'y a rien. Donc déjà, il n'y a pas de l'ilm. Et après, donc aussi, ils ne savent pas ce qu'ils disent, donc ils n'ont pas la science. Alors on voit en plus comme quoi ces gens-là, ils savent pas comment faire dawa, hein, parce qu'ils vont aller embêter les gens n'importe où. Ils vont aller, comme on l'a dit, ils vont aller chez les gens alors que les gens sont peut-être tranquilles. Samedi après-midi, c'est peut-être le moment de repos pour eux, ils ont travaillé toute la semaine, un exemple. Et après aussi, ils connaissent même pas ce qu'est le med'ou. Hal el med'ou. Comment je dois parler à celui qui est en face de moi? Fa, adatan, ceux qui font dawa mal, ils sont tout le temps en train de parler de la même chose. La création des cieux et de la terre. Allah il a créé les cieux, il a créé les montagnes, regarde Allah ce qu'il a fait, regarde le il a créé. Ils sont tout le temps dans ça. Ils ne sortent pas de là. Hatta wasalou, que quand ils font le hajj, ils disent je fais pas le hajj, je fais le hajj biniya de l'hajj. Je fais pas le hajj, c'est pas une mania le hajj, c'est une mania d'awa. Fa kharaju niya. Alors celui qui fait le hajj sans niya, il n'y a pas de hajj. Ça là là. Inna man a'mal bin niyat. Ils disent, hatta le hajj, c'est une quoi? C'est en vérité, c'est une biniya de l'khuruj. Voilà, c'est une biniya de l'hajj. C'est grave ou c'est pas grave? Khuruj mada. Khuruj quoi? Quel khuruj? Tu es en face des musulmans, tu vas leur parler de quoi? Après, toi, ils vont dans 2, 3, 4, 5, 6 hôtels en cachette, parce qu'ils savent que là-bas en Arabie, ils ne les laissent pas faire, alhamdoulilah. Ils vont, ils essaient, ils disent n'importe quoi aux gens. S'ils vont voir une boîte de thon, ils vont manger, ça, ils connaissent bien le repas, ils vont manger leur boîte de thon, ils vont regarder, ils vont dire, regardez, ce thon, il était où? Il était peut-être dans telle mer là-bas en Asie, il a traversé la fessa, il est arrivé ici. Allahu Akbar, voyez la puissance d'Allah. Regardez, c'est de la rigolade, ça. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça qui nous intéresse dans notre vie. Si on était comme ça, jusqu'où on va aller? Toi, c'est que Walt Disney s'est terminé, khlas. Nous, à ce moment-là, on veut l'amel qui soit quoi, salih. Et ils interdisent, le plus grave, c'est que si c'est vrai que c'est une dawa, le plus grave, pourquoi ils empêchent réellement, en vérité, les gens de quoi, hein? Ils empêchent les gens de lire. Si tu lis, et si tu fais partie d'eux, hein, tu fais partie d'eux. Ils disent, attention, celui-là, c'est quelqu'un qui veut savoir. Il cherche à comprendre. Et ça, c'est justement parmi les symptômes, parmi en vérité quoi, les dalils du Mubtada, ou bien du Hizbi, hein, ou bien en vérité, donc celui qui en vérité est égaré. Dans le sens, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu apprennes. Ma chère Sophia, ils ne veulent pas que tu apprennes. Si tu dis pourquoi, ça y est, tu as perdu ta foi. Tu as perdu ta foi, c'est-à-dire l'imada. Il n'y a pas de l'imada. Tout ce que je dis, tu crois et tu ne cherches pas à comprendre. Le Khawarij, la même chose. Le GI en Algérie, un exemple. S'ils disent à l'autre, va tuer, si tu veux prouver vraiment que tu es avec nous, alors va tuer ta nièce. Va tuer quelqu'un de ta famille. Là, tu dis non. Ah, t'as vu, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit au chef. Il va, ben, il le tue. Pourquoi? Parce que tu dois faire et pas parler. Tu dois pas réfléchir. Et Jamaat Tibi, c'est la même chose. Comme Shia. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas à dire pourquoi. Alors que les compagnons du professeur, ils ont posé des questions au professeur. Quand ils veulent savoir des choses. J'ai pas compris ça. Mais celui qui est chez les vrais savants, si t'as pas compris, va t'aider à comprendre. Eux, non, t'as pas à comprendre. Est-ce que ça, c'est une guidée de ne pas savoir comprendre, de ne pas comprendre? Ou bien c'est un égarement? C'est clair? C'est quoi? C'est barrer la route à quoi la connaissance? C'est en réalité barrer la route à la connaissance. Non. Mais fichel. Donc, c'est en vérité pour ceux qui font dawa et qui n'ont pas en vérité de ilm, et en plus qui barrent la route au dawa. Les ulama ont dit, on a quatre ennemis. C'est celui qui a de la science et qui n'enseigne pas. C'est celui qui n'a pas de science et qui l'enseigne, et c'est ou bien c'est celui qui barre la route aux savants. C'est-à-dire qu'il dit aux gens, n'allez pas écouter ces gens-là. Parce que qu'est-ce qu'ils font les savants? Ils ont quoi? Ils ont un métier, ils ont un diplôme, ils aiment bien la dunia. Men, ils vont dire, ils sont là-bas, ils sont fait saoudiens, ils sont ceci, ils sont cela. T'es malish, vous dites ça. Les millions qu'il y a dans ses mains, ils ne les gardent pas dans sa tête. Non, ils les gardent pas. Son secrétaire, le secrétaire de Chirmiobez, il dit, X années j'ai travaillé pour lui, jamais de sa vie a dit combien j'ai dans le compte, combien il reste. À chaque fois, combien de fois il était à découvert? Il donne, il a découvert. La banque Tachem, parce qu'ils connaissent, c'est Chirin le Bez. C'est juste que c'est le roi actuel maintenant, Abdallah, qui vient, qui renfloue la caisse pour donner, et il donne. Et ceux qui ont vécu, les ulama qui ont vécu, au Yémen ou quoi, comme Chirin Moukbel, tout le monde sait que c'était Chirin Moukbel qui donnait beaucoup d'Chirin le Bez, qui donnait de l'argent pour des milliers d'élèves là-bas, à qui? Ou ça, au Yémen, chez Cheikh Mokba, rahmallah, et d'autres exemples. Enfin, nous, on prouve que c'est le contraire. Mais vous faites que mentir. En plus, ils mentent chez le ulama. Donc, elle est où? Et où ce khair en vérité de ce genre de secte qui, en vérité, tous se ressemblent? Alors là, c'est un seul. C'est comme si c'était en vérité pied gauche et pied droit. Ils sont tous pareils, mais simplement, vous savez quoi? Ils ont des façons différentes de procéder, tout simplement. Donc, voilà, c'est les mêmes. C'est tous les mêmes. Ils se ressemblent tous. Donc, c'est pour ça que la dawa, elle est à Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça que Nabi Sallam, lorsqu'il parle des gens qui ont nom d'islam, mentent sur l'islam, avec Bida, justement, Nabi Sallam, il parle contre la Bida tout le temps, Daymen, Kul Yom Jumara, fil khutba. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit Inna Alhamdulillah, on voit bien, à la fin du hadith, Kul Muhdathatin Bida, wa Kula Bidatin Dalala. Ça, Kul Muhdathatin Bida, wa Kula Bidatin Dalala. Il disait tout le temps, Nabi Sallam, à l'époque des compagnons, il y avait zéro d'entre eux qui faisaient le bid'a. Il n'y avait aucun moubtada chez eux. Et pourquoi ils le faisaient tout le temps? Tellement c'était grave. Il a dit que ce sont les pires des gens. Nabi il a dit que ce sont là justement les pires des gens. Quand ils vont dire Yom Kiyama, ces gens-là, quand Nabi il va dire Ashabi, Ashabi, et que les anges ils vont repousser, il fait le Haud. Les anges ils vont repousser des musulmans. Ils vont pas boire du bassin du prophète. Et Nabi il dit mes compagnons, ça ne veut pas dire les compagnons du prophète, comme ils font croire Shia. C'est-à-dire en vérité les musulmans, les gens de ma communauté. C'est-à-dire, il va dire tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Pourtant, c'est des musulmans. Donc si les anges ils le rejoutent, ils le repoussent, pourquoi nous, en tant que musulmans, on ne va pas le repousser? Parce que si maintenant, au nom de l'islam, tu dis, moi je fais attention, je protège ma religion, je ne prends pas de ces gens-là, et les gens ils disent t'es pas bien. T'es pas un bon musulman. Pourquoi? Parce que, ou bien tu parles sur les gens. Pourquoi? Parce que non. Moi je protège la religion. Là, la différence. Il y a une différence. Quelqu'un qui veut me rouler et qui veut me ramener en enfer, je n'écoute pas. Parce que alhamdoulilah, je fais la différence. Moi, je sais où il est le Coran, je sais où est la sunna du prophète, je connais les règles religieuses, donc je me protège à partir de ça. Je me protège à partir de ça. C'est un bien. Pourquoi je veux me protéger à partir de ça? Et pourquoi tu veux que je sois super méfiant dans la vie d'ici-bas? Je suis super méfiant par rapport à mon argent. Je suis super méfiant par rapport à tout. Mais dans la religion, je dois prendre les yeux fermés. Là, au contraire. Je préfère me faire rouler qu'on prend tous mes sous, plutôt qu'on me roule et qu'on prend mes hassanettes. Il y a une différence. Vous voyez comment on doit être normalement? On est vigilant dans notre vie ici-bas, on a pris nos précautions pour beaucoup de choses, et puis dans notre religion, on ne va pas la prendre. Là, il faut prendre vos précautions dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a énormément de hadiths, et c'est pour ça que l'imam Bukhari l'a écrit. L'imam d'Al-Imam Bukhari a écrit le Bukhari, son livre Sahih al-Bukhari. À cause de ceux qui ont commencé à venir ramener des bid'ahs, ceux qui ont commencé à mentir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de eux. Et c'est pour ça qu'il commence dès le début, il commence bien, il commence en disant, Kitab al-Wahi, il commence avec le Wahi. Dans son livre, le début du livre, c'est le Wahi. Pour dire que la science, elle vient du Wahi. La science, elle vient de la révélation. Et après, il rentre dans l'Iman, il rentre dans ceci, il rentre dans cela. C'est des redoud, c'est des réponses à ceux qui ont menti dans ces sujets-là. Al-Qadariya, Al-Khawarij, Al-Ahnaf, dans certains points du fer. Lorsqu'il dit Haoula, par exemple. Mais voilà comment va être. Le musulman, il doit être. On doit protéger notre religion, sinon à quoi ça sert? À quoi ça sert qu'on ne protège pas notre pécule, notre petit coffre, avec le peu de hassanet qu'on a? Si on le perd, qu'est-ce qui nous reste après? Qu'est-ce qui nous reste si on ne perd pas notre religion par rapport à ça? Non. Et ça, c'est ça. De toute façon, comme tu as dit, les résultats, on les connaît. Il n'y a pas de dawa dans leur famille, il n'y a rien, quoi. C'est mort. Ils s'occupent des. Je crois qu'il va faire dawa à des Chinois ou à des Indiens sans connaître la langue, sans connaître les gens, sans comprendre la situation. Et puis, pendant ce temps, comme tu dis, il perd. Il ne se rend pas compte que chez lui, autour de sa maison, tout va mal. Non. En plus, donc le dawa, bien sûr, aussi. Donc, des fois, le dawa, donc c'est aussi plein de fin, ça peut être discuter d'un sujet. C'est discuter d'un sujet. Un sujet fair-free, maintenant. Ou bien ici, des fois, il y aura des gens qui auront besoin de parler. Donc la personne, elle va les laisser parler. Il y a des nadawat. Des fois, il y a plusieurs chiouurs sur la même table et puis il y a des questions-réponses à ces chiouurs. Donc ils vont les aider à enlever justement un petit peu les ambiguïtés qu'ils auraient dans ça. Question-réponse, maintenant. Non. Parce qu'en vérité, Souhal al-Jawab, comme il dit Shahmar Timi, il dit que c'est un grand moyen de. Le fait de faire question-réponse, c'est un grand moyen pour faire comprendre aux gens leur religion. C'est un bon moyen. Il dit que c'est un bon moyen, question-réponse. Justement, pour faire comprendre. Parce que des fois, la personne est là, t'explique, il y a ça, donc tu les laisses parler, t'expliques. Et c'est un bon moyen. Et parmi les moyens, on connaît Hadith Jibril. Hadith Jibril, lorsque Jibril, alayhi salatu wassalam, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Akhbarni anil Islam, anil Iman, wa anil Ihsan. Donc, comment il est venu? Il est venu s'appuyer. Donc il s'est venu proche, il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu habillé tout blanc, tout propre, tout beau, il a khédi. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa il y avait une question-réponse, il a khédi. Donc ça c'est un moyen parmi les moyens. On a dans ce hadith-là un grand exemple de savoir comment on peut faire da'wah, de comment en vérité la da'wah peut se passer. Et en plus la da'wah, déjà, c'est quoi la da'wah en plus? C'est justement le travail des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'anbiya. Min Nabi, illa wa huwa alimun. Et tous les envoyés, ce sont des ulama. Ce sont en fait en plus les ulama par excellence. Ce sont eux les vrais, les grands savants, par excellence, parce que ils disent exactement ce que Allah Azzawajal leur a demandé de dire, leur a ordonné de dire. Sans rajouter quoi que ce soit, sans enlever. Ce sont les exemples parfaits. dans la da'wa. Donc ce sont des ulama, pas des juhal. Il n'y a aucun ignorant chez eux. Il n'y a aucun ignorant chez les ulama, chez les rasouls. Donc ils ont justement appelé. Donc, c'est pour ça que la personne, elle doit connaître. Donc lorsque la personne elle a bien connu qui est Allah, hein, lorsqu'on a vu le point auparavant, donc il doit connaître aussi qui est son, quelle est sa religion et quel est son prophète, pour pouvoir bien comprendre comment il va appeler les gens. Non. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la da'wah, lorsqu'il a dit à Ali ibn Abi Talib, hein, on retrouve un hadith expliqué dans le Kitab Tawhid, lorsqu'il dit bien فَوَاللَّهْ لَا أَنْ يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خِنُنْ لَكَ مِنْ حُمُ النِّعَمِ. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, il lui dit par Allah, si tu guides, hein, si, donc si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, c'est meilleur que la meilleure monture. Lorsqu'on dit Humr al-Ni'am, on parle de la chamelle qui est rousse, qui est très chère à l'époque. C'est comme si tu parlais d'une grosse voiture maintenant, qui serait très chère. Une bonne monture, hein, quelque chose de luxe, de cher. C'était celle qui était recherchée chez les gens, la plus aimée. Donc il dit, Wallah, si Allah, il guide par ton intermédiaire un seul homme. Mata ja had al-hadith. Là, ça fait djihad. Ce hadith est venu fi waqt al-jihad. C'est pour montrer l'importance, la da'wa. Quand le prophète s'est mis à dire Allah, hein, donc je vais donner, demain va tenir un étendard, l'étendard, hein, parce que dans l'Algérie il y avait toujours un qui tenait le drapeau. Quelqu'un qui aime Allah et Allah l'aime. Et tous les compagnons du prophète sont restés, ils n'arrivaient pas à dormir. Qui sera celui-là? Parce que hein, peut-être que ça sera lui. Chacun il voudrait que ce soit lui. Puis Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, il dormait. Il s'était donc, il était pas venu tout de suite. Et après, c'était venu pour lui. Hein, donc cette histoire, c'est lui qui a eu cet étendard. Et Nabi, il parle au moment de la djihad. Qu'est-ce qu'il dit? Si Allah guide, hein, si Allah il va guider une personne par ton intermédiaire, bimana hatta fi djihad, on fait da'wah. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Quelle est la relation avec la da'wah, avec la djihad? Il n'a pas dit si tu tues quelqu'un, tu auras ça. Il a dit si tu guides quelqu'un, donc tu vas l'appeler à l'islam. Pourtant, c'est au moment de la djihad. Tu l'appelles à la religion dans la race d'Ajah. Donc, tu lui expliques l'islam. Donc, il va l'expliquer comment? Bil hikma, bil mu'izati al-hasana. Comme on l'a vu auparavant. Il connaît ces versets. Donc, il va les faire de la meilleure façon. Et en plus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man da'a ila huda, hein? Kana lahu min al-ajri, mithl ujur, man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Man da'a ila huda. Donc le Nabi s'est mis un qaid, il met bien une précision ila huda. Donc si c'est huda, ça veut dire qu'il y a eu des gens avant toi qui ont montré cette guidée. Les guidées, elles ne sont pas venues de ta part, elles sont venues de la part de ceux qui étaient avant toi. Donc qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens doivent comprendre. Da'a ila huda. Ma da'a hakada. C'est pas celui qui appelle tout simplement, mais celui qui appelle A. Donc A, ça à quoi? A ça. Ila huda. Mais enfin, tu vas prendre un taxi. Tu vas monter, puis le taxi va te ramener n'importe où. Tu vas dire, c'est bon, je paye ma truc. Toi, tu dois aller à la gare de Lille. Hein, il va te ramener de l'autre côté, il va te ramener à Roubaix. Tu vas dire, non, tu vas dire, tu m'as égaré. Tu m'as fait perdre mon train. Tu m'as fait. Ça, là. Ben, tu montes et puis c'est tout. On te guide, on te ramène où on veut. Voyez un petit peu l'exemple qu'on peut donner. Donc, tu guides vers une guidée. Donc, tu appelles en vérité à une guidée. Tu auras la récompense. Et la récompense en plus de ceux qui vont faire justement ces hasanat sans que tu perdes quoi que ce soit, sauf qu'en vérité qu'ils perdent quoi que ce soit dans Hassanat. Eux, ils font. Fakifa bil ulama alladina da'u nas ila huda. Alors que dire des ulama qui ont écrit et des milliers, des millions de personnes après eux pendant des siècles et des siècles, ils profitent en d'être leur guide. C'est des Hassanat pour céder ça à Jalia. Le compteur il tourne tout le temps, subhanallah. Wa man da'a ila dalala, et celui qui appelle ou qui prêche, hein, à quoi? À un égarement. Kana alayhi min al-ithmi mithl atham man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Et ceux qui appellent à quoi? À un égarement. Il aura donc le péché comme les péchés de ce qu'ils auront fait. Alors les gens ils sont en train de commettre des péchés parce que c'est un tel qui leur a appris ce péché-là, eh ben, lui, il prend les péchés. Et quoi, le dhunoub. Et le dhunoub, il est là. Et tant que. Et quoi, donc, il va recevoir comme tout ce qu'ils ont fait. Ça va retomber sur lui. Et eux, sur leur péché, restent chez eux. Sans que ce soit diminué de chez eux. C'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit toujours dans Sahih Muslim, Man dalla ala khayrin, falahu mithli ajli fa'ilihi. Et celui qui appelle vers un bien aura donc la même récompense que celui qui le fait. Même si tu ne le fais pas. Anta da'awta ila khayr. Tu expliques à des gens, maintenant, comment on fait telle prière. Comment on prie salat al-istisqa, maintenant. La prière de la demande de la pluie. Comment je vais sortir ma zakat. Comment ceci, comment cela. Tu expliques simplement à la personne. Qu'est-ce qu'elle fait la personne, elle le fait. Toi, tu prends le hasanat aussi. Elle le fait, elle aura le hasanat et toi aussi. Parce que tu as appelé un khair. Et Allah, il aime énormément ça. Alors, il te récompense. Pourquoi Allah, il te récompense. C'est parce qu'il aime beaucoup ça. C'est pas venu comme ça. Et quatrième point, ici, c'est donc sabrou ala al-azafi, sabr. Patienter. À quoi? Bien sûr, à ce qui pourrait t'arriver. Lorsque tu vas, bien sûr, appeler les gens. Les gens, ils vont te, tu peux, on peut te faire du mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wajada adhan kathira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré énormément de gênes, de difficultés de la part des gens lorsqu'il a fait sa da'wa, sallallahu alayhi wa sallam. Au point, ils ont voulu le tuer, au point, il a dû immigrer. C'est pas facile pour les gens de partir d'un endroit à un autre, comme ça, du jour au lendemain, tout laisser. Mais bien sûr, alhamdulillah, Allah azza wa jalla leur a donné la force. Il leur a donné la foi. Donc il faut patienter. À ce moment-là, ils ont patienté. Et on sait que. C'est quoi as-sabr? As-sabr fil lugha, hein, c'est en latin. Voilà, عند المسلمين يعني as-sabr يعني في الاسلام c'est habs an-nafs ala ta'ati Allah. C'est en vérité donc retenir ton nefs, hein, ton âme vers l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc tu te retiens à quoi? À adorer Allah Azza wa Jalla. Et aussi وحبسها عن معصية الله. Et c'est aussi se retenir en vérité à ne pas commettre des péchés, à ne pas désobéir à Allah. وحبسها عن تسخط من أقدار الله تعالى. Donc aussi, la personne aussi, elle va retenir son nefs, hein, dans le fait de ne pas se mettre, de ne pas encourir le courroux, la colère d'Allah Azza wa Jal lorsque Allah Azza wa Jal t'afflige d'un malheur. Allah Azza wa Jal, il peut prendre. Hein, du jour au lendemain à n'importe qui d'entre nous, un être cher, on ne va pas bien sûr, hein, matin, insulter Allah. On ne va pas insulter le destin. On ne va pas dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, tu vas t'arracher le visage, tu vas arracher matin ici, tu vas prendre ton col, tu vas l'arracher, tu vas commencer à arracher tes habits, tu vas insulter, ou là tu vas faire des choses de... Ça c'est ta sakhout. En vérité, tu vas encourir comme ça la colère d'Allah, tu vas patienter. Et tu vas dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Tout simplement. Alhamdulillah, à la poule des hal. La personne, elle va louer Allah ce matin-là. Mais donc, elle voit et elle aura patienté. Et elle aura pris énormément de coups de hasanat. Elle aura donc quoi? Reçu de la part d'Allah Azzawajal énormément de hasanat. Et Allah Azzawajal va lui faciliter en plus pour ce qui vient après. Wa yakun da'iman nashitan fi da'wa ila dinillahi wa in uziya. Donc il doit tout le temps en vérité être le même, être toujours en vérité donc prompt, hein, et prêt à appeler Allah Azza wa Jalla, même si en vérité il reçoit en vérité ses difficultés, même si on lui fait du mal, même si on lui fait du mal. Non. Et Allah Azza wa Jalla, il montre bien chez les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا Donc il dit bien, certes, les envoyés avant toi ont été donc considérés comme menteurs, traités de menteurs. Et ils ont patienté alors qu'ils ont été traités de menteurs. Et ils ont reçu aussi, donc ils ont été affligés. On les a attaqués, il a créé, jusqu'à ce qu'on leur donne quoi, notre victoire. Hatta atahum nasruna. Il donne toujours la victoire après la patience. Ma fi nasr. Il a bardé sabre. Donc, certains savants certains posaient des questions à des savants, ils disaient qu'est-ce qu'il est mieux? Et en vérité, donc, c'est de patienter. Ou donc, c'est par rapport au fait de recevoir. il voulait dire qu'en vérité, comment on reçoit, plutôt comment on reçoit en vérité donc, cette réussite, ce nasr, cette victoire. Il a dit la victoire, elle ne vient que après la patience. Il y aura automatiquement des gênes, des difficultés, des gens qui vont faire du mal, des insultes, tout, même les meurtres. Et Allah Azza wa Jalla, bien sûr, par rapport à après cela, bien sûr, il donne la victoire. Parce que la personne n'aura pas senti comme il le faut. Non. Et plus, comme le dit Shir, non, Rahmanullah dit, wa kulla ma qawwiyat al-aziya yani qaruba an-nasr. Plus les épreuves seront difficiles, plus la victoire est proche. Plus les épreuves en réalité vont être difficiles, plus la victoire en réalité va être proche. Et c'est comme ça. Al-Qadha, si tu regardes Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, plus c'était difficile pour lui, le dernier moment, plus la victoire s'est rapprochée pour lui. Non. النصر قد يكون مثل النصر يعني عند عالم كما قلنا من قبل حتى بعد موته on a dit que les ulama ils ont pas eu beaucoup de personnes qui les ont qui s'asseyaient chez eux avant et pourtant maintenant ils ont bien donc les gens ont retrouvé leurs écrits ils ont bien vérifié ce que c'est rien d'eux ils sont propagés donc son nasr à lui il est venu après بعد الموت oui c'est un film من هذا النصر بعد الموت il a patienté. Il n'a pas vu les résultats dans sa vie, mais il les a vus après la mort. Il a vu en vérité ses résultats, alors qu'il était donc mort. Non. Les résultats sont venus, pourtant il ne les a pas vus. Il a patienté pour cela. Non. Et le dalil, c'est quoi? Dalil al-sabr. Allah Azza wa Jalla dit wa al-asr. Inna al-insana la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bil-sabr. Donc, surat al-asr que vous connaissez. Lorsque Allah Azza wa Jalla donc dit par le temps, donc certes la personne est en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui commettent et qui œuvrent de la, dans, qui font de bonnes œuvres et qu'ils se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement la patience, la patience. Ils ont insulté après par rapport à ça. Le Nabi a bien vu qu'il a patienté lorsqu'ils l'ont insulté, lorsqu'ils l'ont dit qu'il était donc sahel ou bien Mejnoun, hein, donc il a khalé, donc ils ont bien sûr menti beaucoup sur lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallam fait des dua lorsqu'il a dit مثلا, Allah m'a fait les qawmi fa innahum la ya'lamoun. Pas Allah m'a pardonné à ma communauté car en vérité ils ne savent pas. Et donc le da'i yahtasib. Et Allah Azza wa Jalla, le da'i patiente et il ne s'en prend pas lui-même. Le du'at, ils ne s'en prennent pas à lui-même. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmallah. Ouzia, min qibel, min soufia. Il a donc subi des épreuves de la part des soufis, Cheikh Islam Taymiyyah rahmallah, et un de ces soufis était mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? De peur. Donc il a laissé des orphelins. Mais Cheikh Islam Taymiyyah, pourtant là c'était son ennemi dans la vie d'ici-bas, il s'occupait de lui, il s'occupait de ses enfants, afin justement de peur qu'il ne croit que s'il ne s'occupait pas d'eux, c'était en vérité par vengeance. Il n'a pas voulu dire, j'ai pas envie de quoi, hein, d'être. De ne pas les aider par vengeance, par exemple. Alors il a aidé les enfants de son ennemi. Il leur a donné. Il s'occupait d'eux comme si c'était leur père. Il leur a donné. Il les aidait en tant qu'orphelin. Et pourtant, le père, c'était pas quelqu'un qui l'aimait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la patience, en vérité, c'est en vérité le plus grand exemple par rapport à ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rendait hein, sur un mal, il le rendait par le bien, ce point-là. Donc ici, donc, et aussi, bien sûr, donc le sabre. Parce qu'on l'a vu auparavant, donc on a dit que le sabre, il est divisé en trois. Ala thalathati aqsam. Le sabre, ala ta'atillah. Wa huwa aqwa. C'est en vérité awla. Et ça, c'est le plus important. Donc, c'est le fait de patienter sur quoi en œuvrant, donc en obéissant à Allah. Parce que huna ka talab. Fihi mashaqqa. Fihi ta'ab. Parce que là, c'est une demande. Il faut se réveiller tôt. Il faut ceci, il faut cela. Là, pour adorer Allah, donc il y a besoin de quoi? De vrai. Donc ça demande des efforts. Après ça, il y a dit an maharimillah, patienter sur les donc sur ce que Allah a interdit, c'est plus facile. C'est plus facile de ne pas fumer. C'est plus facile de ne pas boire de l'alcool. C'est plus facile de ne pas voler. On attaque. C'est juste un délaissement. Ça ne demande pas un effort comme quelque chose que tu es en train de faire. Donc c'est un degré qui est moindre. Et en plus, le maharim, Allah Azza wa Jalla, pourquoi nous a interdit totalement? T'as vu quand on voit que un Nabi Sonner se dit ce que je vous ai ordonné, non. Faites-le comme vous pouvez, parce que les ordres d'Allah, alhamdoulilah, les sunnans, les akhiri, Elles sont nombreuses. Il y en a énormément. Mais les péchés, alhamdoulilah, il n'y en a pas beaucoup en vérité. Quand tu remarques bien, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire dans le sens où les choses qui sont vraiment interdites ne sont pas énormes. Donc, premièrement, ils ne sont pas beaucoup. Donc, ils sont faciles à délaisser. Et deuxièmement, tu n'en as pas besoin. Parce que ça ne te sert pas à l'origine. À l'origine, un corps sain, une raison saine, elle n'a pas besoin de ça, de tout ce qui est en vérité interdit. Et le troisième, c'est sabrou ala aqdarillah, patienter sur justement ce que Allah a décrété, le qadar. Et donc ça aussi, c'est ça, on voit que c'est beaucoup, des fois, là aussi c'est encore plus facile. Pourquoi? Parce que justement, des fois, Allah il nous éprouve et on doit patienter sur cela. On n'a pas d'autre solution en vérité que de patienter. C'est arrivé. Et le dalil, comme on l'a dit, donc Allah Azza wa Jalla, il donne ici donc la preuve, c'est surat al-Asr. Ou al-Asr, par le temps. Non. L'Asr, c'est bimahna al-Dahr. Al-Dahr, yani le temps. Dans le Dahr, il y a tout dans le temps. Allah Azza wa Jalla, il parle par le temps. Et dans le temps, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Donc il y aura des choses doux qui vont te réjouir et des choses qui vont donc t'affliger. Et Allah Azza wa Jalla, il a juré pour montrer. Yahlef, donc Allah Azza wa Jalla, donc c'est un juré, et ici, il dit bien que certes, l'insan, il a fait khusr. L'insan, normalement, il est perdu. Donc, l'insan, sa façon de vivre, c'est la perdition. Sauf certaines personnes, ou certaines catégories de personnes qui vont en vérité être dotées de certaines qualités, certaines caractéristiques, qui sont donc l'iman, illa alladina aman, wa amilu salihat, et en plus, leur foi, elle ne s'arrête pas à leur cœur, elle est montrée, elle iman mahalahu al-qalb lakin yusaddiquhu al-jawarih. Ça, la foi, elle est dans le cœur. Mais qu'est-ce qui va prouver ta foi? C'est ce que tu fais, ce que tu dis. Si tu dis j'ai la foi et puis tu fais tous les actes qui ne sont pas des actes de foi, ne me dis pas t'as la foi. C'est pour ça que c'est faux que les gens disent mais il s'enlève et dit moi je suis mieux que musulman que ceux qui s'enlèvent. Comment t'as fait? C'est pas vrai, c'est pas possible, parce qu'Allah il nous ordonne maintes et maintes fois dans la prière qu'on doit prier. Et toi, tu ne pries pas. L'adoration, le pilier le plus important après Shahadatain, tu ne le fais pas. Et tu te permets de dire que tu es en réalité meilleur que d'autres. Ce n'est pas possible. Donc, wa'amilu salihat. Allah, il les a associés. Il est associé entre quoi? L'iman et l'amal salih. L'amal qui est en réalité salih. Après, il dit wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil sabr. Tawassi, le fait de parler. C'est pour ça que Philippe, normalement, dans notre langue, c'est que le khel qui doit sortir. Parce que si on se tait et on se cache toujours par rapport au khel, on ne dit jamais rien. Mais alish, parce qu'on aime la personne, on la laisse faire. Le haram et la khel. On ne se recommande pas le bien. Et on ne se recommande pas aussi de patienter dans ce bien-là. Continue. Donc continue à faire ce bien. Jusqu'à ce que tu meurs. Patiente. Non. Tu dois en vérité, patienter. Et ça demande en vérité, donc, ça va en vérité, donc il faut en vérité ce qu'on appelle mujahadat al-nafs, faire des efforts en vérité sur soi-même. Et ce qu'on appelle jihad al-nafs, donc les efforts sur soi-même, Ibn al-Qayyim rahmallah, donc il les a placés en quatre étapes. Donc il dit, ihdaha, ayujahidaha, ala ta'allum al-huda, wa din al-haq alladhi la falah laha, wa la sa'ada, fi ma'ashiha, wa la ma'adiha, illa bihi. Donc il dit la première étape pour que tu puisses en réalité faire des efforts sur toi-même, c'est que tu fasses des efforts sur ton nefs afin d'apprendre. Ta'alim ou ta'allum. En réalité, d'apprendre quoi? Ta'allum al-huda. D'apprendre la guider. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans énormément de hadiths. En tant que musulman, tu n'as pas envie de savoir ce qu'elle a dit? Normalement, au contraire, on devrait avoir l'eau à la bouche de savoir ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les domaines. On doit aimer ça. Parce que c'est le prophète hein, qui parle. Les hadiths, ils sont là, ils sont dans le Bukhari, ils sont dans le Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, le Musnad Imam Ahmed, le Mu'attal Imam Malik et d'autres. On a, alhamdulillah, énormément de livres. Fakif, comment ça se fait qu'en vrai, en tant que musulman, on reste en recul par rapport, ou avare, par rapport au fait d'aimer, écouter ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Alors qu'il a parlé sallallahu alayhi wa sallam. S'il était vivant, on serait tous en train de courir à rester autour de lui. À écouter ce qu'il dit. Alors que l'imam est mort, alhamdoulilah, mais ses paroles, elles sont toujours là. Elles sont toujours ici. Donc on doit en vérité donc faire des efforts de connaître la religion d'Allah Azzajal, la religion de vérité, ou Adin al-Haq. Car il n'y aura pas de réussite et pas de bonheur que par dans la vie d'ici-bas. Parce que c'est un profit pour toi. Parce que quand tu vas savoir qu'un Nabi, ça signifie, ça signifie, tu vas le faire. Et là, il va t'élever en degré. Donc, c'est un khair pour toi. C'est pas un mal. C'est pas baisse. C'est ma'iyat faqat. C'est en réalité, tu entends et tu en profites pour ta vie. Donc, dans ta vie d'ici-bas, il y a aussi quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, ayujahida ala al-amal bihi ba'da mini ilmihi. C'est qu'en vérité, vous allez voir que vous allez comprendre ici. C'est que ces quatre maratib, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne les a pas inventés. C'est que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il les a fait avant lui. Tout simplement. Donc, c'est des phrases qui sont différentes, mais c'est le même résultat. On a parlé de la première chose, l'ilm. On l'a vu au début, l'ilm, l'amal, l'da'wa et l'sabr. On a les quatre maratib. Ici, il dit, ayujahida ala l'amal bihi ba'da ilmihi. Donc, de quoi? D'habituer son corps, son nefs, son âme, son fort intérieur, de mettre en œuvre hein, ce que tu as appris. Ce que tu as en vérité appris. Donc, tu mets en application. Tout à l'heure, on a vu quoi? L'ilm. Il y en a maintenant par rapport à ce livre. L'ilm et l'amal. Donc, on est maintenant deuxième étape, c'est l'amal. Al-Thalitha, ayujahidaha ala da'wati ilahi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Donc aussi, tu vas aussi faire des efforts pour que tu appelles à cette science, hein, pour que tu expliques aux gens cette science, la vérité que tu expliques à ceux qui ne la connaissent pas. Non. Donc c'est quoi l'ilm? C'est en vérité apprendre quelque chose au début tu étais ignorant de cette chose-là et après tu es devenu en vérité connaisseuse de ce sujet-là maintenant. Donc tu dois enseigner celui qui ne connaît pas. Rabi'a, quatrième, c'est ayujahida ala sabri ala mashaq ad-da'wati ila Allah wa ala al-khalq wa yatahammal dhalika yani kulluhu lillah. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit donc qu'il va aussi toujours faire des efforts sur son nefs afin de patienter sur les difficultés qu'il va retrouver dans la da'wa. Sur les difficultés qu'il va retrouver dans cette da'wa hein, vis-à-vis des humains, il va donc supporter pour Allah Azza wa Jal. Il va supporter ce qui lui arrive pour Allah Azza wa Jal. Et celui qui aura complété ces quatre étapes fera partie de ce qu'on appelle Rabbaniyoun, ceux qui sont éducateurs réellement, parce qu'ils savent. Donc en vérité, ils ont tout simplement pris les points qui étaient chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La science, la da'wa, hein, donc il y a eu l'apprentissage, l'acte, la da'wa et la patience. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple pour cela. Il faut repartir donc des Rabbaniyoun, de ceux qui sont patientés pour Allah Azza wa Jal, pour Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal a quoi? Bien sûr, à jurer, donc par le temps que toute personne sera à Kulehel, donc en perdition. Perdition en général, pourquoi? Parce que les gens, de façon générale, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont trop occupés dans les choses de la vie d'ici-bas, dans la dunya. Ils sont occupés à ramasser des biens. Ramasse les biens que tu veux. Là, tu n'oublies pas que tu as des droits envers Allah Azza wa Jal, des devoirs. Hein, tu as des devoirs envers Allah Azza wa Jal. Donc n'oublie pas ta religion. Normalement, donc si ce que tu vas amasser dans la vie d'ici-bas, elle ne doit pas te gêner. Elle ne doit pas faire de toi quelqu'un qui a oublié Allah Azza wa Jalla. Non. Que ce soit tes biens, que ce soit tes enfants, hein, que ce soit autre chose. Non. Tu dois en vérité faire attention à ça. Et après, sauf qui? Donc qui va réussir à s'en sortir? Qui en vérité ne fera pas partie de ceux qui sont en perdition? Donc c'est illa alladina amanu. Donc s'il y a un wasf al-iman. Wasf al-iman. Naam. Et l'iman ici, lorsqu'il dit l'iman, c'est am, c'est shamil. C'est en vérité yashmal. Yani, kulla ma yuqalibu ila Allah Azza wa Jal min i'tiqad sahih wa ilmin nafi'. C'est tout ce qui va t'approcher d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ce que tu, la croyance, du dogme, i'tiqad, hein, sahih wa ilm nafi'. Et une science qui va être profitable, qui va être en vérité profitable. Donc des fois aussi les gens se disent, il y a beaucoup de gens qui m'attendent par rapport au ilm, il va dire moi ça me suffit, je regarde que les cassettes sur les miracles du Coran, sur les cassettes sur ce qui se passe dans les cieux et la terre et la khili, tout ce qui est en vérité on va dire scientifique, il s'arrête qu'à ça. On va dire là c'est juz, on va dire ça en vérité c'est qu'une partie de la science, de savoir qu'il peut avoir pas des concordances ou quoi, c'est une petite partie. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a appris beaucoup d'autres choses qui ne sont pas de cette partie-là. Donc si tu fais que ça, tu ne vas pas être né à faire, tu ne vas pas être profitable comme celui averti qui va apprendre tout ce qu'il y a à savoir dans la prière, tout ce qu'il y a à savoir dans le tahara, tout ce qu'il y a à savoir dans le hajj, tout ce qu'il y a... Il est meilleur que celui qui en vérité a appris, sait que la fourmi elle a fait ça, ceci, cela, il y a ça, dans le Coran il y a un verset qui ressemble, il a créé. Ça c'est que des choses qui vont t'aider à augmenter la foi, mais ce n'est pas elle qui va augmenter ta foi. C'est ton acte, tes actes. Vous voyez ? Il faut faire attention. Il faut qu'il soit une affaire. La science, elle doit être profitable. Elle doit en vérité d'être, elle doit rester profitable. Et après, donc, après une affaire, c'est l'amal salih. L'acte hein, qui va être pieux. L'acte qui va être pieux. C'est la même chose, c'est toujours. Donc, kul kawl au fi'l yukaribu ila Allah azza wa jal bi anna yakuna fa'ilahu lillahi mukhlisan wa li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mutabbi'an. Donc, l'amal salih, la bonne action, c'est chaque parole et chaque acte qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut, donc, dans cela, il faut pour cela, premièrement la sincérité et deuxièmement le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es sincère et tu as pris l'exemple, comme exemple dans ton adoration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux actes, ils sont là pour que tu sois en vérité dans la réussite. Et le troisième, c'est tawassul bil haqq, de se recommander mutuellement la vérité. Yani, à la fin del khair, c'est-à-dire que tu vas dire aux gens de faire du bien. Walhath alayhi, watarrib fi, et d'inciter, recommander les gens, et de donner ce désir fort pour que les gens en vérité aiment en vérité ce qui est la vérité. Et rabi' tawassi bil sabr, de demander quoi ? De se recommander mutuellement toujours la patience. بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله عز وجل وترك محارم الله وتحمل كذلك أقدار الله أو تحمل تحمل عفوا تحمل أقدار الله. Donc la quatrième, le dernier point, c'est le fait de se recommander la patience. Donc les gens vont se recommander la patience mutuellement, toujours en se recommandant de faire des bonnes actions et de délaisser tout ce qui est interdit. Et de patienter sur ce qui arrive, de patienter sur ce que l'Allah aura décidé. Non. Et bien sûr, lorsqu'on dit tawassi bil sabr wa tawassi bil haqq wa bil sabr, en vérité, c'est l'amru bil ma'rufi wa nahi anil munkar. En vérité, c'est ça. En vérité, c'est le fait de recommander le bien et de réprouver le mal. Et de réprouver le mal. Et Allah, bien sûr, a dit, il nous a montré que c'est. Donc justement, ça va faire de nous en vérité la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc dans sourate Al-Imran verset 110. Certes, vous étiez la meilleure communauté qui est sortie chez les gens. Vous recommandez le bien. Et quoi hein? Donc vous êtes sortis de chez les gens. De chez les gens. On sait pas en vérité ukhrijat lin-nas. Donc de parmi les gens. Et c'est pas Yanni, comme le disent, comme on l'a dit auparavant, qu'on parlait sur le Jamaat Tablir, Yanni, Ukhrijat, Makalou Takhroujin la Nes. Donc ils ont pris ce verset pour dire Ukhrijat ou Nes, le Khrouj c'est Jaiz. Ça ne veut pas dire ça ce verset. Il veut dire que vous avez surgi de parmi les gens. Vous avez vu que la mauvaise compréhension qu'ils ont dans la langue arabe, vous êtes sorti de parmi les gens. Vous surgissez de parmi les gens. Vous faites partie des gens, mais vous surgissez. Et ça ne veut pas dire ici Khrouj que ça veut dire. Il faut faire attention à ça. Hein? Parce que vous êtes sorti de parmi les gens. Ça par rapport de sortir vers les gens. Il y a quand même la langue arabe aussi, elle est claire la langue arabe. Donc celui qui connaît l'arabe, il comprend bien. Il va comprendre qu'en réalité, il n'y a aucune association entre ce qu'ils disent et ce verset-là. Vous recommandez le bien, vous réprouvez le mal, et vous croyez en Allah. Et vous croyez à qui ? En Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de temps il reste ? Hein ? Donc l'imam Shafi'i, on va terminer avec la parole de l'imam Shafi'i. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. L'imam Shafi'i dit si Allah avait descendu dans le Coran que cette sourate, c'était suffisant pour les gens. Ce qui veut dire que cette sourate en englobe. Elle englobe tout ce qu'on a besoin de savoir. Le fait de croire en Allah, le fait de dire s'il n'y avait que cette sourate, elle était en vérité suffisante pour les gens. C'est déjà une grosse hujja. C'est en vérité une grande preuve vis-à-vis des gens. Elle est hein, si c'était la seule preuve qui était descendue chez les gens, c'était suffisant. Le même chef Eric dit Rahman. l'imam Shafi'i qui est né en l'an 150 à Raza et qu'il est mort en Égypte en l'an 204. Donc on voit qu'il est mort assez jeune. Et c'est parmi les grands savants de l'islam. L'imam Shafi'i, rahmoullah. Donc, il veut dire qu'il est suffisant de croire en Allah, de faire les bonnes œuvres, hein, et d'appeler Allah Azza wa Jal, et de patienter pour en vérité avoir complété la religion. Pour en réalité avoir en vérité complété la religion comme il le faut. Non. Non. Et en même temps, on voit qu'en vérité, il y a un site, hein, l'imam Shafi'i, rahmallah, il te pousse et il t'incite à quoi? À être comme ça. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il a donné que rien que cette soirée, ça suffirait. Déjà, il va dire, mais pourtant, on ne parle pas de salat, on ne parle pas de plein de choses. Ce qui viendra réfléchir, il va dire, pourtant, dans cette sourate, on n'a pas de précision sur beaucoup de choses. Là, c'est pour pousser à quoi en même temps, hein? C'est pour te faire comprendre qu'en vérité, te pousser à quoi? À que regarde ça, hein, ces points-là, mets-les envers ton application et en vérité, ta religion sera bizna, azdajen, yani, comme il le faut. Et ta masakbe. Donc, en fait, tu te raccroches à cette sourate, à ce que dans cette sourate, c'est suffisant. Non. Donc, on a terminé pour ce qui est d'aujourd'hui. Hein, et on prendra donc la suite la semaine prochaine. Inch'Allah Azzajal. Et donc, une annonce. C'est qu'il y aura le frère Souleymane, hein, Abu Hamad al-Haythi, donc l'haïtien, quoi. Ici, jeudi soir, Inch'Allah. Donc, ça ne sera pas moi qui va faire le dars, ça sera un frère qui est venu du Canada. Et c'est lui qui va faire Inch'Allah le dars. Donc, il a étudié à la Jamia à Médine. Dans la Jamia Islamia de Medina Nabawiya, donc il a étudié à l'université islamique de Médine. Et il va faire ici donc, le dars jeudi soir, ainsi que la khutba vendredi. Et on verra s'il peut rester encore un petit peu, ou encore peut-être dans la soirée de vendredi, Allah alam. Mais au moins jeudi soir, ça sera lui, et la khutba de vendredi, Inch'Allah Azzalu, ça sera lui. Ça c'est au minimum. Naam. Les cours d'hier et les cours de Chalon, ils sont en ligne sur Zikrallah. Donc les cours qu'il y a eu sur, avec les frères Hassan et Sidati et Souleymane, ils sont déjà en ligne sur Zikrallah. Jeudi soir, Maghreb. Donc le jeudi soir, Inch'Allah, Maghreb, donc il va me remplacer moi. Donc ça sera lui qui va faire Dars. Il va faire ici Dars. Donc ça sera aussi sur Paltalk. Et la khutbah de vendredi aussi, Inch'Allah, c'est lui qui va faire la khutbah. Taïb, barakallahu fikoum, subhanakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك